Je ne dois payer des frais de cimetière. Quand je vais mourir sans cercle, je commenterai même la terre. Je ne veux pas de cercueil, je ne veux pas de marbre, pas de pierre tombale ou de sensiteur funéraire. Avec les racines des arbres, je commenterai même la terre avec l'hiver. Tiens, tiens. Quand j'ai mourir, je ne veux pas payer des frais de cimetière. Je vais mourir sans cercle, je commenterai même la terre. Quelle effrontée oser parler de pollution, de l'état de mon cadavre, de sa putréfaction. Ne sera pas malveillante mon objection. Si à quelques mètres de mon corps je fais les présentations, tellement de débris de verre, toutes ordures ménagères, tellement de cercueils de fer. Celui que je côtoie sous la terre, c'est mon voisin le nucléaire. Tira, tira, tira, tira. Tira, tira, tira, tira. Tira, tira, tira, tira. Tira, tira, tira, tira. Quand j'ai mourir, je ne pas. Mais...